Une image furtive. Quelques secondes d'une scène cruciale enfouie dans la mémoire d'un témoin et qui ne peut pas s'en souvenir. C'est frustrant quand il s'agit d'un meurtre. Les policiers entourent Hélène Minsky. Ils se relaient sans discontinuer depuis des heures pour lui arracher le moindre renseignement à propos d'un crime dont elle a été le témoin un dimanche matin, 24 septembre 1975, à 11h du matin. Nous sommes dans la capitale d'Israël, les policiers sont nerveux et Hélène n'en peut plus. « Mais je ne sais rien de plus. Il m'a menacé. Mais j'ai eu si peur que je suis incapable de me rappeler son visage. » Je suis descendu de ma voiture, j'avais des provisions dans les bras, j'ai aperçu la silhouette d'un homme vêtu de clair, cet homme est tombé, j'ai entendu les détonations en même temps qu'il tombait, je ne comprenais pas bien ce qui se passait, j'étais surprise, je me suis retourné. Mais qu'est-ce qui vous a fait vous retourner? Mais je ne sais pas, le hasard ou un bruit, c'est là que j'ai aperçu l'homme avec une arme. Mais quel genre? Je ne sais pas, un pistolet, un revolver, je suis pas spécialiste. Concentrez-vous sur l'homme. Vous ne l'aviez pas vu avant, juste avant? Il n'est pas sorti d'une voiture, il n'a pas surgi sur ce parking d'un seul coup. Non, sûrement pas, il devait se cacher, je suppose. Il m'a regardé, il a agité le revolver dans ma direction, alors je me suis baissé instinctivement, j'ai entendu une détonation, j'ai cru qu'il tirait sur moi, et j'ai eu si peur que je me suis évanoui. Ben, ça, on sait, mais ça ne nous avance pas. Ben, je suis tombé dans les pommes, et alors? Je suis pas flic, moi, ni gangster. J'ai eu peur. Et je suis pas Superwoman. Je suis prof de musique. Et en plus, j'ai aucune mémoire. Je ne me souviens jamais de la tête des gens qu'on me présente. Alors celui-là, vous pensez. Il vous a menacé. Vous l'avez vu de face. Enfin, ça ne s'oublie pas. Mais pour moi, si. Elle n'en peut plus, Hélène. Depuis cette histoire, la police la harcèle. Témoin unique d'un grave assassinat, car l'homme qu'elle a vu tirer a assassiné un agent américain sur une enquête difficile et sur le point d'aboutir. Sa mort remet tout en question. Et Hélène est le seul maillon, l'unique. Elle doit coopérer. Il le faut absolument. Or, elle ne demanderait pas mieux, cette pauvre Hélène. Mais un brouillard étrange enveloppe la scène qu'elle a vécue. Elle ne se souvient que d'une chose, avoir lâché son paquet de provisions avec une douzaine d'œufs, une bouteille de lait. Elle a vu la bouteille rouler sous la voiture, le lait se répandre sur le ciment du parking, ce qui n'est guère intéressant pour l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est le visage du tireur. Car la mort de ce policier et de cet agent américain semble importante. Des tas de gens se sont déplacés pour interroger Hélène. À partir du moment où elle a prévenu la police de ce qui venait de se passer sur ce parking désert, devant un immeuble à peine achevé, quasiment vide d'occupants, on ne la lâche plus. Dites-vous bien que ce type, lui, il vous a vu et il va pas vous oublier. Mais je n'ai rien à voir avec cette histoire. Vous êtes aussi importante pour lui que vous l'êtes pour nous. Mais si vous refusez de coopérer par peur des représailles, vous jouez le mauvais numéro. Lui, il ne peut pas laisser un témoin vivant. Et nous, nous ne pourrons pas vous protéger des années. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Si seulement je pouvais, mais... J'ai regardé toutes vos photos. J'ai répondu la même chose à des milliers de questions. Je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu. Mais je ne le vois plus, c'est flou. Bon, d'accord. Écoutez, on vous fait une proposition. Mais il faut que vous soyez consentante, car la loi nous interdit. L'hypnose. Vous croyez à ce genre de truc? Il arrive que des témoins enregistrent un détail inconsciemment et n'arrivent pas à le restituer consciemment. Vous allez m'endormir? C'est un spécialiste. N'ayez pas peur. C'est un médecin. Il a déjà travaillé pour nous. Et ça peut donner quelque chose. Hélène est d'accord. Tout pour que cette histoire finisse. Sans compter que se sentir menacée en permanence est terrible à vivre. Elle sent bien que la police ne lui dit pas tout, que cette affaire a des aspects qui dépassent le simple crime de droit commun. C'est impressionnant. Terrifiant. Vous sortez acheter une bouteille de lait et des œufs, et vous vous retrouvez à 35 ans dans une histoire de dingue. Hélène est célibataire, professeure de solfège, et très impressionnable. De l'avis du médecin chargé de l'expérience, c'est également une hypersensible au caractère immature. Intelligente, mais encore enfant, elle se laisse facilement dominer. Pour lui, c'est le sujet idéal. Aucune barrière psychologique importante, pas de refus de coopérer, au contraire. Hélène a accepté le protocole de l'expérience, destiné à reconstituer la scène vécue par elle, ainsi peut-être sortiront de sa mémoire les détails fugitifs, la couleur d'un vêtement, les traits d'un visage. Le médecin utilise un objet brillant, une sorte de tige flexible, ornée d'une boule lisse à son extrémité. Il imprime à cet appareil un léger balancement et commence. Vous allez vous endormir. Vous vous sentirez reposé, détendu. Vous rêverez de ce que je vais vous dire. Vos paupières vont battre et se fermer. Tout votre corps se détend. Vous dormez. À présent, vous êtes en voiture. Vous venez de faire des courses. Il fait beau, n'est-ce pas? Il fait beau, Hélène. Il fait beau. Vous allez garer votre voiture sur le parking. Vous quittez la route. Il y a d'autres voitures sur la route? Il n'y a pas de voiture. Vous êtes maintenant sur le parking. Vous arrêtez le moteur. Vous regardez autour de vous. Vous voyez quelqu'un? Un homme qui marche. Est-il loin de vous? Il n'est pas loin. Décrivez-le, Hélène. Il est grand. Il a chaud. Il s'essuie le front. Il a l'air d'hésiter. Il vient vers moi. Non, il recule. Il a vu quelqu'un derrière vous, Hélène. Il y a quelqu'un derrière vous, un autre homme. Concentrez-vous. Vous avez compris qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous allez vous retourner, vous allez forcément vous retourner. Hélène s'agite un peu, sa tête cherche d'un côté puis de l'autre, comme si elle repérait l'emplacement des deux hommes. Elle a réalisé la présence du tueur avant qu'il tire. C'est un résultat, mais il est mince et inutile. Le visage, va-t-elle pouvoir le décrire? Oui. Mais Hélène va étonner tout le monde. Elle va faire mieux que décrire le visage de cet homme. L'instant crucial où elle a aperçu le tueur s'est imprimé dans sa tête, enregistré avec l'image et le son. Je l'ai déjà vu en arrivant, oui. Je l'ai déjà vu en arrivant. Il est sorti d'une voiture bleue, une américaine, avec une plaque jaune. Il m'a vu arriver aussi. Il est remonté dans sa voiture. C'est ça, il est remonté dans sa voiture au moment où je me garais. Je prends mes paquets, je me penche sur le siège arrière, je le vois à travers la vitre. Son visage, Hélène, vous voyez son visage? Non, ses cheveux, des cheveux longs, raides, son nez. Oh, un vilain nez rond en boule. Que fait-il maintenant? Je ne le vois plus. Vous avez pris vos paquets, vous vous redressez, vous sortez de la voiture, vous êtes debout sur le parking. Vous ne voyez plus la voiture bleue, vous ne voyez que l'homme qui a chaud, qui avance vers vous. Il recule maintenant, attention, l'autre est derrière vous, vous vous retournez. Non, j'entends tirer, il tire. Combien de fois? Trois fois, trois fois. Et l'homme tombe, il crie quelque chose. Et qu'est-ce qu'il crie? Il appelle au secours, hein, non? Il appelle quelqu'un. Il crie « Midget » ou « Bridget ». C'est l'homme qui tombe? C'est lui qui crie « Midget » ? Je n'entends pas très bien. « Midget » ou « Bridget ». Il tombe, il est par terre, j'ai peur, je me retourne. Que fait l'autre homme? Il tend son pistolet, il va me tuer, il va me tuer! Non, calmez-vous. Il ne peut pas vous tuer. Vous vous cachez derrière votre voiture, il tire, mais il ne peut pas vous atteindre. Vous êtes par terre. Oh, j'ai mal aux genoux. Le lait coule. Je vois ses pieds, il avance, il court vers moi. Je vois ses pieds, je vois ses pieds! Il vous croit morte, Hélène. Vous êtes évanouie. Il s'en va. Vous entendez un bruit? Vous entendez la voiture qui s'en va? Hélène, vous entendez? Hélène ne répond plus. Elle semble retomber dans son évanouissement de la veille. Les secondes passent, 10, 20, 30 secondes. Puis Hélène s'agite à nouveau et le médecin la réveille doucement. Hélène se redresse en se frottant le genou, ornée d'une belle éraflure, et ne sait absolument pas ce qu'elle a raconté. En écoutant l'enregistrement de son témoignage, Hélène est vivement déçue. « Oh, j'ai pas bien vu son visage, en fait ça n'a servi à rien. Détrompez-vous. Et vous avez fait mieux. Vous avez dit son nom. Moi? Mais je ne le connais pas. » L'agent le connaissait, lui. Ils avaient rendez-vous très certainement. Et il a crié son nom au moment où il a compris que l'homme tirait sur lui. C'est logique, il a été surpris. Il ne s'attendait pas à rencontrer un ennemi, de toute évidence. À l'issue de cette expérience, qu'il trouve parfaitement concluante, les policiers ramènent leur témoin unique à son domicile avec interdiction de sortir. Un garde devant sa porte, un autre à l'intérieur. Soyez tranquille, c'est l'affaire de quelques jours, le temps de loger ce type. Vous savez vraiment qui c'est? Grâce à vous, oui. Ce drôle de nom. C'est un surnom. Mais nous savons à qui il appartient. Vous êtes sûr? J'ai peut-être mal entendu. Une coïncidence comme celle-là est impossible. Soyez tranquille. Le surnom, la voiture, la description, nous avons ce qu'il nous faut. On vous tiendra au courant. Ne sortez pas seul, n'ouvrez à personne, faites ce que les gardes vous diront de faire. À bientôt. 4 jours durant, privée de cours, officiellement malade, certificat à l'appui, Hélène est restée cloîtrée chez elle en compagnie de 2 gardes du corps enfrognés. Au bout de ces 4 jours, un officier de police en civil est venu la délivrer. « Voilà, c'est terminé, l'affaire est close. Vous n'avez plus rien à craindre. »« Vous l'avez arrêté ? Il y aura un procès, je devrais témoigner ?»« Pas exactement. Mais vous n'avez plus rien à craindre. »« En fait, l'homme a été tué au cours de son arrestation. »« Tué ? C'était qui, un gangster ? Je suis désolé, je ne suis pas autorisé à vous communiquer les détails de l'enquête. »« Et vous devriez éviter d'en parler aussi. »« Éviter d'en parler ? Mais... si quelqu'un d'autre est au courant, ce quelqu'un n'est pas important. Et pour votre tranquillité personnelle, oubliez tout ça. Mais pourquoi ? Sécurité. Mais ne craignez rien pour vous. Personne d'autre que la police et vous ne sait qui a désigné l'assassin. Et puis il est mort. Manifestement, l'officier n'avait ni l'envie ni l'autorisation de tenir au courant l'unique témoin de cette affaire bizarre. Ah, comment les journalistes l'ont-ils su ? On a parlé d'un règlement de compte intérieur à des services de renseignement étrangers, une histoire qui mêlait politique, renseignement et corruption, dans laquelle on ne savait plus qui était la véritable victime, mais où l'on savait parfaitement qui était l'unique témoin, Hélène. Ce n'est pas elle apparemment qui a raconté sa vie aux journalistes, puisqu'elle a refusé de leur accorder une interview. Mais tout ce qui concerne l'hypnose, réalisée par un certain médecin, lui-même signalé par les initiales Dr. D.L., a été reproduit. Et elle n'a pas nié ce fait. Le témoignage d'Hélène avait pourtant été recueilli confidentiellement. Mais les fuites ne sont-elles pas toujours confidentielles ? C'était en 1975. Hélène vit-elle toujours ?